durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'éducation dans la nature pour redonner aux enfants la conscience du lien qui les unit à la Terre. Nous sommes avec l'initiateur et porteur de l'action « Le grand secret du lien » qui tenait du 22 au 26 octobre 2018 à la Grange aux paysages à Lorenzen, dans le Bas-Rhin, son séminaire national. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Frédéric Plénard, bonjour. Bonjour. Frédéric Plénard, on profite de votre présence ici à la Grange aux paysages, c'est à Lorenzen dans le Bas-Rhin, où vous organisez un séminaire de travail de votre groupe de pilotage national du projet Le Grand Secret du Lien. C'est quoi précisément ce projet ? Le Grand Secret du Lien, c'est un projet d'éducation pour répondre aujourd'hui à l'urgence écologique dans laquelle on est. C'est un projet qui met en recherche ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation environnement. C'est-à-dire que nous essayons avec des pédagogues de la perception, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui sont des experts de la sensorialité, d'amener l'enfant par l'activité de pleine nature, associée à la pédagogie de la perception, de retrouver la conscience de son appartenance à la Terre, que lui fait partie, que l'enfant fait partie de la Terre. Et le projet, c'est de cette recherche éducative, quelle éducation qu'on va mettre au service de l'activité de la pleine nature pour qu'aujourd'hui, l'enfant puisse retrouver la conscience de son appartenance à la Terre. Parce qu'on pense que sans cette conscience, il est illusoire de demander à l'enfant d'être ou d'avoir des comportements éco-citoyens. On doit commencer par ça, c'est fondamental. Donc c'est un projet éducatif avant tout. Pour autant, et d'ailleurs nous sommes ici à la Grange aux paysages, un centre d'initiation de la nature. Frédéric Plénard, je vais être un peu provocateur, précisément, des institutions comme celle-là, où on pense aussi au centre permanent d'initiative à l'environnement ou de l'environnement, pratiquent déjà les sorties d'éducation nationale, va vous dire, mais on fait des classes vertes, on emmène des enfants à l'extérieur. Les mouvements d'éducation en pleine nature pratiquent évidemment de l'éducation à l'environnement. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que ces gens font un travail absolument formidable. Par contre, ce qu'on peut observer et ce qui a été quantifié au niveau de la recherche, c'est que aujourd'hui, la façon dont est éduquée, accompagnée l'activité de pleine nature pêche d'une certaine façon, dans la mesure où elle n'amène pas à retrouver cette conscience de l'appartenance à la Terre. C'est un moment c'est de temps. C'est une activité en soi. C'est une activité en soi, c'est un moment de plaisir, c'est un moment. Mais il manque cette étape de passer de l'activité de pleine nature à la conscience de son appartenance à la Terre. Or, il n'y a que par l'activité de pleine nature et cette relation sensorielle directe à la nature qu'on peut amener l'enfant à cette conscience. Il manque une dimension aujourd'hui à l'éducation, à l'environnement. Alors ça, c'est pour la démarche. Concrètement, comment ce projet, le grand secret du lien, Frédéric Plénard, dont vous êtes l'initiateur et le porteur, se met en œuvre sur le terrain ? Alors concrètement, on a formé 5 groupes d'enfants de 9 ans à 20 ans dans 5 régions de France. Et on a mis en expérimentation sur 25 jours d'immersion des pratiques pédagogiques qui associent les compétences des éducateurs à l'environnement avec les compétences des pédagogues de la perception. Ce qui fait qu'on a recherché ensemble, on a mis en recherche cette forme d'éducation qui associe l'activité de pleine nature avec l'activité sensorielle. Ce que Danny Bois, qui est l'initiateur de cette technique de la pédagogie de la perception, appelle le sensible avec un S majuscule. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler d'émotion aussi, finalement, vous préférez le terme de terre au terme de nature. Est-ce que finalement, aujourd'hui, si je vous comprends bien, Frédéric Plénard, ce que vous recherchez, c'est de créer cette conscience à travers l'émotion. Pas uniquement l'émotion. Le sensible, comme le définit Danny Bois, c'est tout un processus cognitif, sensori-cognitif, qui amène à retrouver d'abord la conscience de son corps, à retrouver la conscience de son rapport à soi, et qui permet, c'est par cette conscience de son rapport à soi qu'on peut accéder, on ouvre des canaux qui nous permettent d'accéder à ce que la nature nous envoie. Ça passe par l'émotion, mais ça ne se limite pas à l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, j'imagine que beaucoup le partagent, Frédéric Plénard, que l'homme est un peu hors sol, est devenu hors sol? Évidemment, on est totalement séparé de la nature. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix que de se retrouver cette conscience de son appartenance à la Terre si on veut sauver l'humanité. Et ça, je suis personnellement convaincu que ça. Et on doit passer par l'éducation. L'éducation est le grand oublié de la transition écologique. C'est scandaleux. Aujourd'hui, il faut absolument travailler sur l'éducation et sur ce rapport à la nature. C'est fondamental. Et c'est une démarche que vous avez initiée, je dirais, quasiment tout seul. C'est du Frédéric Plénard. C'est parti d'un projet, d'un film que j'ai réalisé en 2016 et auquel s'est associé de nombreuses personnes. Aujourd'hui, on est une équipe de 250 personnes à travailler autour de ce projet. Oui, je suis à l'initiative de ce projet, mais aujourd'hui, il y a une équipe, une réelle équipe qui se crée aujourd'hui. Alors, on va en profiter précisément, puisque vous êtes ici en séminaire de ce groupe de pilotage national pour le Grand Secret du Lien, pour rencontrer précisément d'autres personnes. Marie-Hélène Florençon, deux mots, on va bien sûr la rencontrer. On va profiter d'une pause dans ce séminaire qui dure plusieurs jours. 5 jours. Ici à Lorenzen, à la Grange au Paysage. Qui est Marie-Hélène Florençon, Frédéric Plénard ? Marie-Hélène Florençon est une pédagogue de la perception. Donc, on va dire que c'est une experte de cette pédagogie du sensible. On va vous laisser retourner en salle. Vous nous l'amenez ? Pas de problème, merci beaucoup. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Bonjour Marie-Hélène Florençon. Bonjour. Vous êtes extraite, vous aussi, de ce séminaire groupe de pilotage national du projet Le Grand Secret du Lien. Et Frédéric Plénard vous a présenté comme experte de la pédagogie de la perception. Ça veut dire quoi ? Alors effectivement, moi je fais en consultation individuelle l'accompagnement de personnes à partir d'une expérience corporelle perceptive autour duquel ils vont déployer la connaissance d'eux-mêmes, de leur corps et leur rapport au monde et aux autres. Et concrètement, ça se passe comment ? Un exemple. Dans la consultation individuelle, on travaille à la fois avec des techniques manuelles, donc c'est un toucher particulier, ou alors dans une mise en mouvement, donc dans une technique gestuelle. Et dans les deux cas, on accompagne toujours de l'explicitation de cette expérience. C'est-à-dire qu'on va leur faire décrire ce qu'ils vivent. Et à partir de cette description, ils vont faire des liens avec leurs sensations, d'autres expériences. Et c'est comme ça que petit à petit, on va les amener à découvrir et à modifier leur rapport à eux-mêmes. On peut dire ça comme ça. C'est comment fonctionne sa propre perception. Et comment elle les concerne, eux, profondément. On va dire qu'on a à peu près compris en 30 secondes ce que vous nous avez résumé, mais moi personnellement je pense avoir compris. Que vient faire une experte de la pédagogie de la perception dans un projet comme Le Grand Secret du Lien et Marie-Hélène Florençon ? Alors, Le Grand Secret du Lien a pour objectif d'installer une pédagogie qui va permettre à la personne de rentrer en connexion avec la nature. De développer son contact avec la nature. Donc pour ça, cette connexion avec la nature, elle va se faire inévitablement avec le corps et avec la perception. Parce qu'on ne saisit rien du monde extérieur sans ces deux choses-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on dit se promener dans la nature, finalement, on se promène un peu comme dans les rayons d'un supermarché. On consomme de la nature sans ne rien percevoir, sans ne rien comprendre, sans ne rien toucher, pour reprendre votre expression, et finalement sans en avoir conscience. Alors, à partir de ces expériences perceptives corporelles, on développe une qualité de présence. Et on a une pédagogie qui est extrêmement structurée pour développer cette qualité de présence. Nous, dans le cabinet, on le travaille pour développer la présence à soi, que la personne développe son rapport au monde à partir d'une présence à elle-même. Et là, dans Le Grand Secret du Lien, on va utiliser cette pédagogie pour développer la présence à la nature. Comme si on ouvrait les canaux de saisie. On lui donne une possibilité de saisir de façon plus ample, plus vaste, plus fine, et avec une qualité de présence qui fait qu'elle va saisir beaucoup plus de choses qu'elle n'en aurait saisi sans cette qualité de présence. Et comment vous expliquez aujourd'hui cette disparition ou cette déliquescence de la perception ? Est-ce qu'elle a toujours existé, finalement ? Est-ce qu'elle fait partie inhérente de l'homme et cette perception, il l'a perdue, et si oui, à quel moment et pourquoi ? Vous avez une minute pour me répondre. Ou est-ce que c'est une découverte, finalement ? Alors, je ne pense pas du tout que ce soit une découverte. L'homme a toujours utilisé sa perception et son corps pour saisir le monde. Le mode de vie que l'on mène demande moins de... nécessite moins ça, et même nécessite qu'on s'en coupe, parce que ce qui nous est apporté du monde est agressif. Donc à partir de là, on ferme un peu les écoutilles, c'est le contraire. Avant, quand on vit dans un mode de vie dans la campagne, dans la nature, un mode de vie simple, eh ben, on avait besoin de toutes ces écoutilles. Donc tout le monde les développait normalement. Pour sortir les pommes de terre. Voilà. Donc ça se mêlait à la connaissance et ça s'apprenait tout seul. Les gens avaient ça, juste ne le savaient pas, ne le théorisaient pas. Mais comme on l'a perdu, on est bien obligé de le théoriser pour savoir comment le récupérer. Et nous, on apporte un outil pédagogique supplémentaire qui s'appuie sur le corps, le rapport à soi et le rapport au monde. Et cette qualité de présence qu'on développe. On vit dans des appartements bien encombrés. Nous sommes toujours à la Grange au Paysage à Lorenzen, c'est en Alsace, dans le Bas-Rhin, et nous profitons de la présence ou l'organisation d'un séminaire du groupe de pilotage national du projet Le Grand Secret du Lien, avec beaucoup d'intervenants dans ce séminaire, beaucoup de participants. Alors on les extrait comme ça un peu les uns après les autres, on profite des pauses pendant ce séminaire pour les rencontrer et les faire parler, les faire expliquer ce grand projet du lien. Hélène Bouris, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue, vous êtes partie du comité de pilotage du projet Le Grand Secret du Lien et vous avez été notamment chargée de créer le réseau des guides de ce grand secret du lien. Oui. Au début, j'ai été invitée par Frédéric Plénard à participer comme animateur accompagnant les animateurs nature et utilisant l'outil de la pédagogie perceptive, comme ça vous a été expliqué par Marie-Hélène Florençon auparavant. Et donc, au cours de ces rencontres, en fait, comme il y avait 5 régions de France qui organisaient ces immersions dans la nature, il nous fallait trouver des participants. Et donc, j'ai été chargée de trouver 10 participants, 2 par région, pour qu'ils puissent soit travailler ensemble, soit en alternance, soit pouvoir se remplacer si l'un tombait malade éventuellement. Donc j'ai fait appel à la Fédération des professionnels de l'accompagnement en pédagogie perceptive et je leur ai demandé de solliciter dans les 5 régions des praticiens, des psychopédagogues de la perception qui aient envie de participer à ce projet, qui aiment la nature, qui aient une affinité avec les enfants pour pouvoir les suivre et la disponibilité pour les suivre tout au long de l'année. Et ce sont vos collègues en quelque sorte qui sont ces guides? Voilà. Et leur métier, leur travail, plutôt leur fonction dans le projet Le Grand Secret du Lien en tant que guide, ça consiste en quoi, Hélène Bouris? Dans le projet du Grand Secret du Lien, leur fonction est ciblée sur créer des exercices qui sollicitent la perception chez les enfants. Donc la perception, elle est entendue au sens des sens extéroceptifs, mais aussi de la perception de la proprioception, c'est-à-dire la capacité de se percevoir soi dans l'action ou dans des postures, et aussi le tact interne, c'est-à-dire la capacité d'entrer en résonance avec ce que l'on perçoit, c'est de saisir les effets que cela nous fait d'écouter, de regarder, d'observer, de bouger dans la nature. Et au-delà de ces exercices, les praticiens sont des professionnels qui sont capables de permettre à la personne de nommer les choses qu'ils vivent, de les décrire et de tirer du sens de ce qu'ils ont expérimenté dans leur corps. Est-ce qu'il y a déjà des premiers retours, puisque ce projet Le Grand Secret du Lien est déjà en route aujourd'hui dans 5 régions en France, est-ce qu'il y a des retours déjà d'expériences de ce que les jeunes et les moins jeunes peuvent vivre à travers cette expérience du Grand Secret du Lien, Hélène Bouris? Alors, pour l'instant, moi, je mène aussi une recherche scientifique sur le projet du Grand Secret du Lien. Et donc, aujourd'hui, je suis dans l'analyse des données que j'ai recueillies. Les dernières données, je les ai recueillies en juin. Donc, en fait, pour l'instant, l'analyse que j'ai pu réaliser, c'est l'analyse que j'ai faite d'un questionnement qui est parti de avant l'expérience. Donc, j'ai proposé aux jeunes de répondre à 5 questions avant de débuter l'expérience du Grand Secret du Lien pour connaître d'abord leur motivation. Quelles étaient leurs attentes, quelles étaient pour eux leur représentation de la nature. Donc j'ai questionné aussi quelle était leur meilleure expérience de la nature, donc raconter la situation et en même temps raconter ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient appris de cette expérience. Je leur ai demandé aussi de me décrire quelle est l'importance pour eux de la nature et quelle est la perspective pour eux de la nature dans 20 ans. Donc ça permettait d'avoir un profil des enfants au début des immersions. Et déjà, j'ai réalisé l'analyse de ce premier carnet de voyage et il révèle des choses en profondeur qu'on saisit avec une lecture superficielle. Mais en fait, si vous voulez, on s'aperçoit par exemple que un de mes étonnements, ça a été que les enfants ne s'attendaient pas nécessairement à avoir beaucoup d'activités dans cette expérience. Ils s'attendaient plutôt, pour certains, à avoir même des expériences de calme, des expériences de contemplation. Voire des expériences d'ennui? Pas nécessairement, non. Je pense pas que les enfants recherchent l'ennui. Mais ils étaient plutôt attirés même par la dynamique de groupe, par le fait d'être dans la nature, mais pas forcément par le fait d'avoir des activités. Alors que je m'attendais à ce qu'ils aient envie de faire du sport, de l'escalade, on leur avait parlé de faire de la montgolfière. Mais ce qui les intéressait, c'est vraiment apprendre et découvrir. Et il y a plusieurs catégories d'âge, et on voit que, par exemple, l'intérêt pour l'apprentissage et la découverte était plus fort chez les enfants. Il y en a 72% qui parlent de ça. Et plus ils grandissent, moins c'est présent dans leur attente de départ. Donc, vous voyez, la recherche, elle permet d'avoir des informations en profondeur que, a priori, on n'a pas nécessairement. Donc, on a une idée de ce qu'ils attendent. Quand on les questionne, on voit qu'ils attendent autre chose que peut-être ce qu'on leur propose. Et du coup, ça nécessite des adaptations. Et pour construire la pédagogie que l'on souhaite construire, c'est important de tenir compte de ces informations-là. Merci Hélène Bouris, on va vous laisser rejoindre le séminaire. On va en profiter pour rencontrer encore un des nombreux intervenants de ce séminaire du groupe de pilotage du Grand Secret du Lien. Merci. Ok, donc la parole est à l'Alsace pour 40 minutes. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Parmi les nombreux participants au séminaire du comité de pilotage du Grand Secret du Lien, ici à Lorenzen, à la Grange au Paysage, on va comme ça chercher dans la salle des intervenants. Évidemment, on a conscience de déranger ce comité de pilotage, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer les porteurs de projets de ce séminaire aujourd'hui national, et parmi eux, Jean-Michel Brunetti. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Brunetti, vous êtes l'un des référents des groupes, des nombreux groupes qui se sont constitués un peu partout en France pour mener cette expérience du Grand Secret du Lien, et vous êtes-vous référence du groupe Alsace. Voilà, donc il y avait 5 groupes en France, et des 5 groupes représente la région Alsace. Au début c'était Grand Est, mais finalement comme le financement n'ont été que sur émanant de l'Alsace, on s'est renommé groupe Alsace. Il n'y a pas de sous-entendu politique derrière. Ça, vous en assumez l'entière responsabilité. Il y a donc d'autres groupes comme vous, l'Alsace, mais ailleurs en France, Jean-Michel Brunetti. Voilà, donc il y avait un groupe de Normandie, un groupe de Val-de-Loire, un groupe d'Ardèche, un groupe de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce projet consistait simplement à mettre 5 groupes de jeunes d'âge différents dans la nature pendant 20 jours. Alors dit comme ça, ça paraît extrêmement simple. C'est finalement une manière tout à fait pédagogique pour le coup, Jean-Michel Brunetti, de finalement résumer ce projet de Grand Secret du Lien. C'est tout simplement de prendre des jeunes et de les remettre ou de les mettre dans la nature. C'est ça. Alors dit comme ça, ça paraît simple. Et la mise en place et l'organisation a été assez lourde. D'autant plus que les jeunes, par exemple, d'Alsace sont issus d'une formation d'un lycée agricole, d'Erstein, c'est un BTS, développement animation des territoires ruraux, pour lesquels il a fallu sortir les jeunes pendant 20 jours en période scolaire. Donc ils ont raté des cours, il y a eu beaucoup de sorties sur les week-ends, mais il a fallu faire ça entre leur stage obligatoire, entre les périodes d'évaluation, parce que le BTS, il est en contrôle continu. Il a fallu négocier avec les collègues pour qu'ils laissent partir les jeunes. Quand vous dites les collègues, c'est parce que vous êtes vous-même enseignant dans ce lycée agricole à Erstein. Voilà, moi je suis enseignant d'EPS dans ce lycée. C'est pas toujours évident de soustraire les jeunes aux collègues qui doivent faire leur cours, leur programme, pour les préparer au diplôme. Ça veut dire aussi, Jean-Michel Brunetti, que finalement on s'aperçoit que le système dans son ensemble, je ne parle pas que d'éducation nationale, mais d'une façon globale, le système finalement nous empêche, ou en tout cas rend compliqué finalement, toute sortie du système. Sortie avec un double sens aussi, sortie du système et aussi rentrer ou retourner à la nature. Ah oui, c'est compliqué. Je pense qu'à l'éducation nationale, ça n'aurait pas pu se faire. Nous, on dépend du ministère de l'Agriculture. Et voilà. Et donc, les lycées agricoles, c'est des petites structures. Hein. Il y en a un ou deux par département. On est des fois des laboratoires un petit peu de pédagogie. Et par exemple, tout ce qui est cours à plusieurs profs, ça fait longtemps que ça existe dans l'enseignement agricole. Le bac, en contrôle continu, ça existe dans l'enseignement agricole depuis de nombreuses années. Des cours de pluridisciplinarité aussi. Donc on est un peu un labo, et nous on en profite parce qu'on a des possibilités qu'on n'aurait pas nécessairement à l'éducation nationale. Donc là on a sauté sur l'occasion parce que ça nous semblait être une expérience super intéressante pour nous, mais aussi pour les jeunes qui allaient vivre 20 jours dans la nature. Et alors, concrètement, précisément, ces 20 jours dans la nature, Jean-Michel Brunetti, ça a consisté en quoi, à quel endroit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 jours? Alors l'idée, l'objectif du projet, c'était reconnecter les jeunes à la nature en les mettant dans des situations où ils allaient vivre des choses très simples, hein, c'est-à-dire randonner, faire du canoë, ne rien faire, écouter les bruits de la nature, aller au brin du cerf, aller marcher en raquette, aller faire du vélo, enfin des choses tout à fait simples, de façon à voir quelles étaient l'évolution des jeunes et de leur représentation de la nature au fur et à mesure de ces différentes immersions. Et donc il y avait aussi un protocole scientifique derrière, avec des questionnaires pour voir comment ils vivaient à chaque fois chaque immersion. Comme ça, on peut retracer l'évolution de ce qu'ils ont vécu au travers les 20 jours. Vous avez vous-même déjà, superficiellement, observé des modifications, voire des... Je ne sais pas si on peut évaluer la prise de conscience. Alors, c'est difficile à dire. Là, l'étude est en train d'être faite, là, des rapports et de ce que les jeunes ont déclaré, hein, sur les enregistrements de leur, enfin, des interviews. Ce que j'en ai observé, moi, c'est que les jeunes avaient moins peur dans la nature, parce qu'on était dans la nature la nuit aussi. Hein. On était bivouaqués. On s'est approché au brame du cerf, mais c'est toujours très impressionnant, le brame. On y va la nuit. La première sortie, il y a une fille qui a pleuré pendant une heure et demie. Donc elle était tellement submergée. On ne sait pas si c'était l'émotion, la peur ou le fait d'être dans la nature la nuit. Peut-être que ça lui rappelait aussi d'autres choses ou une angoisse de la nuit, pas nécessairement liée au brame. Mais en fait, tout ça fait qu'elle a vécu, elle, son expérience la plus forte de l'année, à mon avis. Et sur les sorties suivantes, bon, elle n'avait plus peur. Il y a aussi la fonction un peu... Le groupe réassure, en fait. Le groupe protège. Donc je pense que ce qu'elle a fait en groupe, peut-être qu'elle n'est encore pas prête à le faire seule, mais en tout cas, le fait de faire ça en groupe fait qu'on se sent capable de faire des choses qu'on ne ferait pas seul. C'est aussi une des leçons de cette expérience-là. Dire qu'il y a une aide, il y a une coopération, une entraide dans le groupe qui permet de faire ça. Nouvelle pause lors de ce séminaire du groupe de pilotage national du projet Le Grand Secret du Lien qui se tient pendant 5 jours ici à la Grange au Paysage, c'est à Lorenzen dans le Bas-Rhin, un séminaire national de ce projet porté par Frédéric Plénard. Comment s'est né, Frédéric Plénard, ce projet de Grand Secret du Lien? Moi, à l'origine, je suis enseignant en biologie, en sciences de vie de la Terre dans les collèges. Et à quel endroit ? J'étais en Gironde. J'étais TZR, c'est-à-dire je circulais beaucoup en Gironde et j'ai vu beaucoup de collèges en Gironde. Voilà. Et j'enseignais la SVT, la biologie et la nature. toujours dans les salles de classe. Et par ailleurs, j'avais des amis qui organisaient des salles de des classes de découverte et qui travaillaient dans l'éducation environnement. Et j'ai beaucoup, donc j'ai suivi ces gens-là. Et à un moment donné, je me suis posé la question de la pertinence de mon enseignement à l'intérieur de quatre murs. Voilà. Donc, j'ai réalisé un film. J'ai monté un premier projet qui s'appelait Le Lien. Parce que vous êtes aussi un réalisateur. Voilà. Je suis par passion réalisateur. Donc, j'exerce les deux métiers, enseignant et réalisateur. J'ai eu donc l'idée de tenter une expérience, de dire voilà, pour reconnecter l'enfant à la nature, ne faut-il peut-être pas commencer par l'amener dehors. Voilà. Et donc j'ai pris six enfants qui étaient de Pessac, près de Bordeaux, et je les ai emmenés pendant 8 jours, en pleine montagne. Alors, ces enfants étaient eux aussi, vivaient entre quatre murs, si je puis dire. Ces enfants vivaient dans des cités en béton, totalement séparés de la nature. Ils passaient à côté des arbres, ils ne les voyaient pas, etc. On a l'océan à 40 km, ils n'ont quasiment jamais. Voilà. Et donc je leur ai dit, voilà, je vous propose de partir 10 jours en pleine montagne. Voilà. Tout de suite, ils ont dit oui. Instinctivement, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Ils ont dit oui, on veut y aller. Donc j'ai, avec une autre association qui s'occupe d'éducation environnement, donc j'ai organisé 10 jours en pleine montagne avec ces enfants-là. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, voilà. Et là, les résultats sont allés au-delà de mes espérances. C'est qu'en 10 jours, il y avait des. Je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui permettaient de percevoir que ces enfants commençaient une réelle reconnexion intime, sensible, profonde avec la nature. Voilà. Alors moi j'ai vu ce film, Patrick Plénard, on se retrouve assez régulièrement pour parler de ce grand secret du lien, ce projet qui a été ensuite monté à l'issue de ce film Le Lien. Dans le film on voit effectivement ces enfants, ils sont tout jeunes, hein, c'est un choc émotionnel pour eux de se retrouver comme ça en pleine nature, en vallée pyrénéenne. Je ne parlerai pas de choc émotionnel, mais plutôt de révélation. C'est-à-dire que ces enfants, ils se sont aperçus qu'effectivement, ils étaient bien dans la nature. Et ça leur apportait de la confiance en eux, un bien-être, du calme. Moi, je parle de choc parce que on voit dans le film qu'ils n'ont pas l'habitude précisément de ces paysages. Ils n'ont pas l'habitude, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce lien intime qu'on a avec la nature et qu'on a oublié, on est séparés, je le disais tout à l'heure, et bien finalement, ils se sont rendus compte qu'il s'est recréé de lui-même. Et le fait que ce lien se recrée sans qu'ils le veulent, mais spontanément par l'encadrement et l'éducation qu'on a pu leur proposer, ça effectivement, ça a provoqué en eux un bien-être et un calme qui les ont surpris. Et enfin, ils n'étaient pas les mêmes enfants au début et à la fin du séjour. C'est-à-dire qu'ils ont été. Cette expérience qui vous a donné vous-même l'idée de, on peut dire, de passer à la vitesse supérieure à travers le projet Le Grand Secret du Lien. Donc vous êtes non seulement l'initiateur, le porteur de projet à titre quasiment personnel, même si aujourd'hui vous avez réussi à monter, on l'a vu tout à l'heure à travers différents intervenants qui participent aujourd'hui à ce séminaire ici à la Grange aux Paysages de Lorenzen, mais c'est quand même du Frédéric Plénard. Monter un tel projet, Frédéric Plénard, c'est pas simple, c'est un parcours du combattant et c'est finalement assez compliqué pour, au final, un projet dont l'éthique est somme toute assez simple. Ben, l'éthique, enfin, le sens du projet, il est fondamental, je le disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on ne cesse de clamer dans les médias, dans toutes les scientifiques, les intellectuels, les gens de la presse, les gens des stars des business, des stars business. Ils n'arrêtent pas de dire aujourd'hui qu'on est dans une urgence écologique et qu'il faut réagir. On n'a plus le choix. Pour réagir à cette urgence écologique, il faut agir avec des comportements éco-citoyens. Or, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on permet à l'enfant de retrouver ce lien à la terre, ce lien à la nature, les gestes éco-citoyens prennent du sens. Oui, mais ce que j'aimerais comprendre, Frédéric Plénard, c'est que ce discours-là, vous le tenez auprès de partenaires institutionnels, privés, et je dis que c'est un parcours du combattant, c'est un budget. Comment vous faites et comment vous êtes perçu et comment vous êtes suivi? Les personnes qui me suivent, les personnes qui financent ce budget sont des personnes qui croient en cette éducation. Voilà. Il y en a, il y a partout des mouvements, des fondations, des fédérations qui qui pensent comme ça, qui pensent qu'effectivement il y a cette éducation et ce retour à l'activité de pleine nature est fondamental pour éveiller le comportement éco-citoyen. Donc tous ces gens-là, c'est ces gens-là qui me suivent et qui financent et qui croient au projet. Donc la problématique, c'est que aujourd'hui, c'est toute cette frange de la population qui pense comme ça. En fait, ils ont très très peu de rayonnement médiatique parce que on est dans une société, moi j'appelle un peu la société du spectacle, où on répond à l'urgence. On est dans un phénomène d'urgence, mais on ne voit pas à long terme. Et donc, on a peu de soutien. Au niveau du vote politique, etc. On a peu de soutien parce que nous, on est dans une perspective à long terme puisqu'on parle d'éducation. Et justement, un séminaire aujourd'hui, un séminaire c'est fait pour faire le point, mais aussi pour imaginer l'avenir. Je vous connais un peu, Frédéric Plénard, vous êtes en train de lancer, alors je ne sais pas si vous êtes conscient, mais je pense que oui, un véritable mouvement national, peut-être international à terme, quasi révolutionnaire dans l'éducation à l'environnement, parce que ça va avoir de l'impact, c'est sûr, même si aujourd'hui c'est encore un peu compliqué. Quel est l'avenir, quel est le devenir du grand projet du lien, et est-ce que les enfants engagés dans cette démarche le découvrent, ce grand secret? Oui, les enfants le découvrent. Et enfin, l'ensemble des cinq régions, si on réunit l'ensemble des cinq régions, si on fait le bilan de ce qui se passait dans les cinq régions, effectivement, on arrive les éléments du grand secret du lien, cette espèce d'effet nature sur l'évolution et sur l'apport vers sa propre humanité, on l'a. Et l'idée, dans un court terme, c'est qu'on puisse, là on a fait une expérience avec des gens, un public précis, avec des gens motivés, avec des gens qui sont engagés dans cette procédure. L'idée, c'est de développer un modèle éducatif qui puisse être reproductible dans une complexité sociétale comme une collectivité territoriale, une petite commune, etc. Donc dans un avenir, ce séminaire va servir à poser les bases de cette forme d'éducation à l'éveil à la nature. Et ensuite, une fois qu'on aura posé ces bases à la fin du séminaire, on va organiser au sein d'une collectivité locale ou territoriale limitée, avec tous les acteurs engagés qui entrent dans le processus éducatif, que ce soit les élus, les gens qui sont dans l'éducation nationale, les gens qui sont dans l'éducation, dans les centres sociaux, etc., les acteurs économiques. Et on va essayer d'engager, avec cette complexité sociétale, on va mettre en place les éléments de ce fondateur de cette pédagogie, et on va observer comment ou quelles seront les décisions qui vont être prises en matière d'urgence écologique. Ça, cette collectivité laboratoire est déjà identifiée? Non, on a une piste, on a plusieurs pistes pour trouver des maires qui seraient d'accord. Mais l'idée, c'est d'engager et de faire adhérer à cette pédagogie, ce modèle pédagogique, un ensemble, une unité d'adultes et d'enfants qui vont agir sur une année. Avec cette éducation à la nature qu'on est en train de développer. Ces petites filles ont dit que la terre était un paradis. L'homme n'a pas su le garder et l'aimer. Peut-être l'a perdu à jamais. Au nom de tous les arbres et toutes les forêts ont disparu de ce monde, au nom des pluies absentes, à la saison qui surgit comme un torrent. Le temps est venu où l'homme comprend qu'il est urgent pour nos enfants de leurs enfants de protéger la nature. Au nom des êtres disparus, partis avec un tsunami, au nom des maladies inconnues. naviguer, effacer, ils ne nous reviendront jamais. L'homme égoïste ne pense pas à demain, méprisant la nature et tous ses biens. Le temps est venu pour l'homme de comprendre qu'il est urgent pour nos enfants et ceux de leurs enfants de protéger la nature. Protéger la nature. Protégeons la nature. Frédéric Plénard, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes enseignant et en sciences et vie de la Terre. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce projet, à titre personnel, encore une fois? On a bien compris que ce projet, Le Grand Secret du Lien, c'est initié, créé, inventé, porté aujourd'hui par Frédéric Plénard. Ce qui m'amène à c'est très ambitieux ce que je vais dire, mais ce qui m'amène à ce projet, c'est que j'ai envie de permettre à l'enfant de rayonner, c'est-à-dire d'être, de donner le meilleur de lui-même, d'aller au maximum vers sa propre humanité. Et pour ça, c'est pour ça que, moi je pense que on accède à sa propre humanité que dans la mesure où on est en connexion avec les éléments de la Terre. Voilà. Et donc ma motivation profonde, c'est ça, c'est comment arriver à organiser une éducation qui puisse permettre à l'enfant d'accéder au meilleur de sa propre humanité, au meilleur de lui-même. Voilà. Est-ce que vous avez mené une forme d'introspection, je ne vais pas parler de psychanalyse, Frédéric Plénard, qui vous a amené vous-même à avoir cette propre conscience? Parce que, alors, est-ce que vous êtes né comme ça ou c'est une, une découverte? Je vais répondre un petit peu à côté de votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que peut-être à l'intérieur de moi, il y a une force instinctive qui me pousse à aller vers ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce projet m'a profondément bouleversé et m'a profondément modifié à moi-même par rapport à mon rapport à mon propre être intérieur, à mon propre corps. Je me rends compte qu'en fait, ça fait des années que moi-même, je suis un être déconnecté. Et ce que je me rends compte, et ce que l'impact du projet, c'est que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Et cette reconnexion à moi-même, eh ben, je me rends compte que la nature, elle m'y amène. Mais c'est violent. Vous avez pu choisir, au lieu de vous lancer dans cette aventure de Grand Secret du Lien, Frédéric Plénard, vous lancer dans l'agriculture de bio, les chèvres ou le maraîchage bio? Pour vous reconnecter à la nature? Non, parce que moi j'ai une vocation éducatrice profonde et je suis je suis un éducateur dans l'âme et j'ai envie de travailler pour l'enfant et j'ai envie si j'ai une mission de vie pour moi, c'est celle de servir l'enfant pour qu'il arrive à être un adulte accompli. Voilà. Vous êtes à contre-courant de la tendance éducative actuelle aujourd'hui, en tout cas celle prônée par l'État. Comment vous le vivez? Comment ça se vit? Alors je sais bien que seuls les poissons en bonne santé savent nager contre le courant, mais j'imagine que ça ne va pas être tout à fait simple, en tout cas pas évident. C'est pas simple, c'est effectivement pas simple. Moi j'ai une formation de professeur, je suis professeur dans l'éducation nationale, et là je me retrouve en total désaccord avec les valeurs véhiculées par l'éducation nationale. Ce qui fait que pour l'instant, je suis encore enseignant, mais je pense que, très, très sincèrement, je vais quitter cette institution parce que je ne m'y reconnais absolument plus du tout. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Frédéric Plénard, initiateur du projet Le Grand Secret du Lien. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Ben les deux. Les deux, mon capitaine. Je vais vous faire d'abord le coup de gueule. Oui, voilà. Ça permettra de terminer sur un coup de cœur. Voilà. Le coup de gueule, c'est franchement pour l'éducation nationale. Parce que je suis enseignant. je développe un projet pour l'enfant. Ça fait 3 ans que je me bats pour ce projet. J'ai fait mes preuves. On a réalisé un film qui a fait plus de 150 projections en France. J'ai demandé à l'Éducation nationale de m'aider. Je leur ai dit, voilà, on est sur un projet pour tenter de reconnecter l'enfant à la nature, de façon à ce qu'il devienne un éco-citoyen, que ça donne du sens aux gestes éco-citoyens et qu'on l'aide à sauver ce monde d'humanité qui est en danger aujourd'hui, reconnu par tout le monde. Donc j'ai été voir l'Éducation nationale, j'aurais dit voilà, je suis sur ce projet-là. Aujourd'hui, j'ai des personnalités qui me soutiennent. J'ai réussi à lever 150 000 euros pour ce projet. J'ai 200 personnes qui travaillent avec moi. Il y a une recherche scientifique. Enfin, il y a du lourd, quoi. Je suis pas là qui arrive comme ça. J'arrive avec du lourd derrière. J'ai été voir l'Éducation nationale, je leur ai dit voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et j'ai demandé, bon, j'ai osé demander une mise à disposition à mi-temps, être payé pour pouvoir, le temps du projet, développer cette nouvelle forme d'éducation. Oui, ça se fait, ça se pratique au ministère de l'Éducation déjà. Nationale. Donc j'ai demandé j'ai écrit au ministre, j'ai écrit au recteur, j'ai rencontré des gens haut placés au ministère. Jamais on m'a donné une fin de non-recevoir. On m'a dit, monsieur Plénard, vous devez être dans votre classe. Voilà. Et je n'ai jamais pu obtenir une moindre aide, une moindre compréhension de l'éducation nationale. Pour autant, votre projet a toujours été merveilleusement bien accueilli par l'éducation nationale. Alors, j'ai eu une visite au ministère de l'éducation nationale avec un haut fonctionnaire de l'éducation nationale qui m'a dit, on a présenté le projet avec la directrice de recherche, j'avais deux directeurs de fédération d'éducation de la nature avec moi, et une experte du sensible. Et j'ai été au rectorat, enfin au ministère, et je leur ai dit voilà, le projet, on est en train de développer, on fait une recherche scientifique pour savoir quelle éducation permet à l'enfant de se reconnecter à la nature et devenir éco-citoyen, et donner du sens à l'éco-citoyenneté, avec la sensorialité, etc. Enfin, toute notre démarche avec notre protocole scientifique, etc. J'étais au ministère, on nous a écouté, on était 4 représentants, on m'a dit ben voilà, votre projet, il est vraiment, c'est un beau projet, mais on ne se sent pas concerné par votre projet. Pour quelle raison ? Ben la réponse qui m'a été faite, c'est qu'on m'a dit, monsieur Plénard, votre projet est magnifique, vous travaillez avec des enfants, c'est très bien. Rappelez-vous que vous êtes dans un cadre institutionnel et que nous avons des élèves. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors qu'on rentre dans un cadre institutionnel, il y a des lois, il y a des cadres, il y a des programmes, il y a des et que on n'est plus enfant. Enfin, d'ailleurs, on s'adresse pas à l'enfant, on s'adresse à un élève, c'est-à-dire l'élève, c'est celui qui doit apprendre par le programme qui est par la connaissance qu'on va lui donner. Mais ce n'est pas l'enfant qui apprend, c'est l'élève qui reçoit. Or, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Nous, on permet à l'enfant de se donner les propres moyens de son propre apprentissage, en plus par l'intermédiaire de tous les éléments de la Terre qui le composent. Donc, où est-ce que vous trouvez l'énergie, Frédéric Plénard, pour mener ce projet à bout de bras qui est né dans votre tête, mais... dans votre corps aussi, puisque vous parlez de rapport à la nature, comment vous faites pour continuer à croire à ce projet et que vous développez au reste Alors, et en tentant d'ailleurs de convaincre les collectivités de vous suivre. Je vais passer à mon coup de cœur cette fois-ci, parce que l'énergie que j'ai, qui je l'avoue, commence à faiblir parce que j'en prends, enfin, je suis fatigué depuis après ces 3 ans de lutte. Mais par contre, l'énergie, je la trouve auprès de tous les gens qui nous reçoivent, les gens qui accueillent ce projet, comme ici, par exemple, à la Grange aux Paysages. Quand j'ai rencontré Estelle, qui est la directrice de cette maison, elle m'a dit, elle a tout fait pour qu'on puisse y arriver, pour qu'on puisse réunir ces séminaires. Elle nous offre les locaux. C'est une énergie. Mais le groupe de pilotage national, tous ces gens-là qui croient au projet, les gens qui nous soutiennent, les gens, il y a cette espèce j'oserais appeler d'amour, quoi, qui a autour de ça. Ça, c'est l'énergie, c'est la force vitale, c'est magnifique. Et ça me tient. Et ça, pour eux, pour tous ces gens-là, quoi, je vais dire au bout, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Frédéric Plénard, dans la conduite de ce projet, Le Grand Secret du Lien? Il y a peut-être parmi les gens qui nous écoutent, des gens qui ont envie de vous suivre, des gens qui ont envie de vous aider, de vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite, c'est que, plusieurs façons de nous aider, hein. c'est nous soutenir, quand on va faire des projections. On va faire des projections du film à partir. On a très concrètement, il va y avoir un film qui va sortir en mai 2019 et un livre qui va sortir en mai 2019. On va faire des projections en France. Et là, on espère que les gens qui vont venir à ces projections, etc., ils soutiennent. Et puis, ils engagent que cette éducation qu'on va faire naître, qui est naissante là aujourd'hui, et bien, qu'elle puisse être développée et qu'on puisse trouver des acteurs locaux dans chaque territoire qui puissent nous aider à mettre ça en place. Que ce soit des parents, on coûte énormément sur les parents ont un rôle fondamental, c'est les enseignants, c'est les animateurs socioculturels des collectivités locales et territoriales, c'est les acteurs du monde économique, c'est les médias aussi. Aujourd'hui, on est très peu relayés par les médias, sauf vous, et je vous remercie vraiment de cette émission. Aujourd'hui, les médias, ils demandent du contenu, ils demandent du concret. Et je sais qu'on est du spectaculaire. On est dans cette société du spectacle où il faut du contenu spectaculaire. Et donc, voilà, que les gens croient à notre projet et qu'ils croient à notre idée et qu'ils nous aident et qu'ils nous soutiennent. C'est ce que je peux demander. Voilà pour ce reportage sur le grand secret du lien qui tenait du 22 au 26 octobre 2018 à la Grange au paysage à Lorenzen dans le Bas-Rhin, son séminaire national. Avec Frédéric Plénat, initiateur et porteur de l'action, Marie-Hélène Florençon, experte en pédagogie de la perception, Hélène Bourris, psychopédagogue, et Jean-Michel Brunetti, enseignant, toutes et tous membres du groupe de pilotage national du Grand Secret du Lien. Pour en savoir plus sur cette action exemplaire, ou faire un don pour aider à construire une éducation dans la nature qui redonne aux enfants la conscience du lien qui les unit à la Terre, rendez-vous sur legrandsecretdulien.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Dehors par la formatrice en soins relationnels Fleur Lise Monastès, paru sur l'album autoproduit Chante encore une fois, sorti en 2001. Federkleid par le groupe munichois Faun, paru sur l'album Midgard, sorti en 2016. Et enfin Dame Nature par Jacob Balsan, sans référence, que je ne peux évidemment pas inventer. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.